Don't count on it. Sounds come from them. Oh God, I'm gonna come right now. Yeah. Oh God, yeah. We'll be right back. Thank you.

Ça te le dis, c'est un truc avec du poil autour et puis c'est tout. Rien qu'un boyau insensible.